Votre sélection débutera après cette publicité. Le gouvernement du Canada et les experts de la santé publique agissent pour protéger les Canadiens de la COVID-19. Protégez-vous et protégez les autres, surtout ceux avec des problèmes de santé et les adultes plus âgés. Lavez vos mains souvent. Évitez de toucher votre visage. Toussez ou éternuez dans votre bras et désinfectez les surfaces. Essayez d'éviter les endroits achalandés. Évitez tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada. Et si vous êtes malade, restez à la maison. Renseignez-vous au 1-833-784-4397. Message du gouvernement du Canada. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les quartiers de la prostitution, les Red Light Districts, en Amérique du Nord. Les filles étaient à potes, là, comme ça, depuis un gars passant, mais il voulait son manteau, puis était tout en dessous. Alors, se montait devant le gars, il vient pour l'attirer. Là, c'était dans le temps le plus fort, ça. Avant ça, il cognait dans le châssis, mais ça marchait pas assez, ça, puis là, qu'il se monte, là. Le temps fort de la prostitution dont parle ce Montréalais à l'émission « Quelle histoire » diffusée en 1969, ce temps fort-là correspond au début des années 1930, probablement. Montréal fait partie de ces villes d'Amérique du Nord qui ont abrité d'importants et de prospères quartiers de la prostitution, les fameux « Red Light Districts ». New York, Chicago, la Nouvelle-Orléans font aussi partie de ces villes ouvertes où la prostitution avait, pour ainsi dire, pignon sur rue. Dans les années 50, à un moment donné, il y a eu une première page de la presse où il y avait quelqu'un, un francophone habituel à Ottawa, qui avait dit que la culture canadienne-française se résumait à Maurice Richard et à Lydie Saint-Cyr. Oui. Et effectivement, il faut dire qu'à ce moment-là, bon, c'était au Gaîté. Pour les gens qui ne savent pas où ça se trouve, c'est devenu le TNM. Oui. Aujourd'hui, anciennement, c'était la Comédie canadienne. Et à ce moment-là, c'est vraiment un des hauts lieux. Et aussi, c'est une stripteaseuse extraordinaire. D'abord parce que c'était une danseuse, elle bougeait bien. Et aussi parce que c'est une grande artiste. L'artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réussit à inventer. Disons, comme Picasso fait quelque chose tout à coup qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire. Et à ce moment-là, on répond aussi aux contraintes. Et Lydie Saint-Cyr, tout à coup, avait une contrainte importante qui lui était posée par les législateurs de New York. C'est-à-dire, c'est que tu ne pouvais pas sortir de scène avec moins de vêtements qu'au moment où tu en étais entré. C'est un problème important pour les stripteaseuses. Alors, elle a eu l'idée géniale d'inventer son numéro, le fameux numéro. Elle rentre en scène et, mon Dieu, tout habillée, elle se dit « Ah, quel merveilleux moment pour prendre un bain ». Et alors, elle enlève tous ses vêtements, elle prend un bain de mousse, et elle se rhabille, et elle sort de scène plus rhabillée qu'en rentrant. C'est là qu'on voit le génie de la créativité. L'historien et dramaturge Jean-Claude Germain au micro de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présent en février 1999, au moment du décès de la célèbre effeuilleuse Lily Saint-Cyr, pour nous parler de la vie nocturne de Montréal, d'autres grandes villes nord-américaines également, comme New York, la Nouvelle-Orléans, pour nous raconter aussi l'histoire de leur quartier de la prostitution, nous décrire la culture ambiante qui y régnait. Je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire-là, Harold Bérubé, l'histoire des quartiers de la prostitution en Amérique, sur le développement de nos villes, sur la manière dont on a vécu et dont on vit toujours dans ces villes-là? Oui, bien, le phénomène complexe de la prostitution, il est intimement lié au monde urbain, à l'histoire urbaine. Ils sont, les deux phénomènes évoluent ensemble. Ça fait ensemble. Partie de l'histoire des villes. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, c'est à la fois l'histoire des rapports entre hommes et femmes, de leur accès ou non à l'espace public. C'est la question de leur présence dans les rues, dans les quartiers, dans les zones portuaires, éventuellement dans les bordels et dans ces quartiers-là. Et c'est toute la question de la gestion de cette problématique-là, qui est vue par certains comme un mal nécessaire, le plus vieux métier du monde, mais pour d'autres comme un péril moral majeur là, qui menace l'âme et la santé de la société urbaine. Puis toucher à cette histoire-là, c'est toucher à l'évolution des mentalités, forcément. Mmh, notre rapport qu'on a à cette pratique, à la prostitution. Oui, puis tu sais, la question demeure très complexe encore aujourd'hui. On en débat la question de l'interdiction, de la légalisation, de la criminalisation. Donc, ce sont des débats là, qui ont des racines très profondes. Oui. Ça commence quand et dans quel contexte ces quartiers de la prostitution dans les grandes villes d'Amérique du Nord? Oui, bien, il faut comprendre le phénomène dans le cadre d'une dynamique plus large de spécialisation de l'espace dans les grandes villes. À mesure que les villes grandissent au cours du 19e siècle, les quartiers se spécialisent, deviennent de moins en moins mixtes. On a des banlieues, des quartiers ouvriers, quartiers industriels, etc. Et il va y avoir des quartiers du vice, des quartiers qui sont associés à des activités plus ou moins licites, plus ou moins tolérées selon les villes. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'apparaissent les Red Light Districts, les quartiers chauds, quartiers de la prostitution. On va voir généralement un peu le même phénomène se dérouler dans la plupart des villes. C'est vraiment une sorte de mouvement géographique là, qui est assez standard, c'est-à-dire que le phénomène de la prostitution va être très prévalent d'abord dans les zones portuaires pour cette clientèle particulière. Et à mesure que les villes... qui sont là de passage. Exact, exact. Puis au début du 19e siècle, quand on commence à développer des quartiers plus... des secteurs de divertissement avec des salles de spectacle et tout ça, la prostitution va se déplacer de rue, du port vers ces quartiers-là. Et c'est là que ça va commencer à susciter des réactions. C'est-à-dire qu'on les tolérait facilement du moment où elles étaient justement dans les zones portuaires, mais du moment où les prostituées apparaissent plus fréquemment dans les zones plus centrales, c'est là que ça va lancer une réflexion. Et là, par différents moyens législatifs, différentes pressions, on va essayer autant que possible de les cantonner dans un espace bien précis. Mais d'abord, les faire entrer à l'intérieur dans les bordels et ensuite, autant que possible, concentrer les maisons closes là, dans un quartier spécifique de la ville. Mais les quartiers qui se retrouvent à ce moment-là dans les centres-villes, hein, je pense, généralement, on peut dire ça. Tout à fait. Pour la raison, vous le disiez, c'est des quartiers de la prostitution, mais qui sont plus que ça. L'activité de prostitution qui se déroule dans ces quartiers-là se déroule dans des quartiers qui, de plus en plus, sont des quartiers de divertissement ou de vice, comme vous le disiez, mais donc des maisons de jeu. Ce qui fait qu'ils se déplacent vers le centre, c'est que c'est pas que de la prostitution, finalement. Oui, exact. Et il faut dire que, d'une part, les gens qui sont en faveur de la création des Red Light Districts, certains sont créés de manière très, très formelle. On adopte une réglementation municipale qui stipule qu'il va y avoir une tolérance, voire une sorte de légalisation dans un secteur précis. Et pour les gens qui adoptent ça, il faut dire que la politique, l'idée, c'est que c'est un mal nécessaire. On ne s'en débarrassera pas. Donc, autant cantonner ça, certains vont comparer pratiquement les Red Light Districts aux égouts. Est-ce une infrastructure urbaine comme une autre, déplaisante, mais nécessaire? Donc, on va la construire. L'idée est vraiment une stratégie de confinement du vice et de la prostitution dans un quartier spécifique. Donc, l'idée était de se débarrasser de mettre hors vue, en quelque sorte, ce phénomène-là. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Comme vous le dites, ces quartiers-là deviennent des lieux d'une certaine effervescence, d'une certaine liberté aussi. Comme il y a cette concentration, justement, des bordels, il y a d'autres commerces qui vont ouvrir de manière complémentaire, si on veut, à ces installations-là. Et donc, beaucoup de boîtes de nuit, des cabarets où les gens vont pour se distraire. Donc, rapidement, ces quartiers-là qui devaient être, en quelque sorte des quartiers onis, hors de vue, deviennent des endroits effervescents d'activités culturelles, d'une certaine liberté. Et qui attirent même des gens de l'extérieur. Mm-hmm. Ces quartiers-là vont finir par occuper une place importante dans l'ADN, en quelque sorte, de certaines villes. On connaît le red light ou le quartier chaud de telle ville ou de telle autre ville. Absolument. Oui, bien, ça, il faut dire, ils finissent par devenir, ils font partie de la marque de commerce de certaines villes. Pas toujours la marque de commerce que certains promoteurs veulent mettre de l'avant, mais que certains le font. Et ce qui est intéressant, il y a des documents, certaines villes. Dans certaines villes, on produit littéralement des guides très élaborés, notamment Storyville, dont on va parler. Il y a les fameux Blue Books que les touristes, justement, certains gentlemen peuvent se procurer, où on décrit en détail où sont les bordels, on les classe, là, c'est vraiment, c'est un catalogue à partir duquel trouver les maisons closes que vous voulez fréquenter, et les cabarets, boîtes de nuit des différents quartiers. Donc, chaque quartier va finir par avoir, pas tous, là, mais les plus fameux, il y a toute une documentation comme ça qui circule à travers le monde, et justement, effectivement, il y a du tourisme sexuel qui se fait Montréal, à partir de ça. Montréal, qui aura cette réputation de la prohibition aussi, mais la ville ouverte, fait partie du même phénomène. Absolument. Amsterdam, encore aujourd'hui, il y a des villes. Oui, tout à fait. Donc, ça demeure une marque de commerce pour certaines villes. Ouais. Et pour d'autres aussi, on va folkloriser un peu tout ça avec le recul. Puis ça continue à faire partie de l'identité de la ville, même si, évidemment, ces quartiers-là n'opèrent plus depuis longtemps. Vous évoquiez Storyville à la Nouvelle-Orléans. C'est ce quartier-là, probablement l'un des quartiers de la prostitution les plus célèbres du continent. C'est vraiment... Oui. Puis on va le voir dans un instant, après l'extrait qu'on entend, Harold Bérubé, mais il y a quelque chose à Storyville vraiment d'emblématique de ce que sont et de ce que vont devenir ces quartiers chauds. How do we know she is a virgin? Have I ever lied to you before? Satisfaction guaranteed. Well, gentlemen, I'm getting impatient. I'll bid $100. Yeah! I'm bidding $120. You ask me why I'm always teasing you. Extrait du film de Louis Malle, Pretty Baby, qui raconte la vie à Storyville, le quartier de la prostitution de la Nouvelle-Orléans. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, il faut peut-être le souligner, le préciser pour nos auditeurs, Harold Bérubé, c'est cette fameuse scène dans le film où on vend carrément aux enchères la virginité du personnage qui est incarné dans ce film-là par Brooke Shields. Ça donne une idée de ce que raconte ce film, mais ça fait partie de ce qu'était la vie dans un quartier comme Storyville. On parle aussi beaucoup dans ce film-là, puis on va y revenir dans un instant, du photographe Ernest Joseph Belcoq, qui va faire partie de l'histoire de Storyville. Mais d'abord, en quoi ce quartier-là, le quartier de Storyville, est intéressant, est emblématique de ce que sont ces quartiers de la prostitution un peu partout en Amérique du Nord? C'est certainement un des plus célèbres. La Nouvelle-Orléans en soi a une image un peu plus grande que nature. C'est une ville qui, depuis longtemps, soigne cette image de marque-là pour attirer donc des visiteurs à travers l'exotisme, à travers son côté, justement, exotique. Ce qui est intéressant, donc, de Storyville, quand je parlais justement des Red Light District, c'est un de ceux, justement, qui est créé de manière très explicite. 1897, la ville décide vraiment, encore là, pas de légaliser complètement la prostitution, mais vraiment adopte un règlement municipal qui est très transparent sur ce que ça signifie. Et on va prendre un quartier, tout petit quartier, très près du quartier français, donc vraiment au cœur de la ville. Et dans ce quartier-là, donc, les clients, les proxénètes, etc., ne seront pas importunés par les autorités. Et ça va donner, effectivement, naissance là, à un des Red Light Districts les plus élaborés. Je vous parlais tout à l'heure de ces Blue Books qui décrivent vraiment en détail les activités qu'on y retrouve. Donc, c'est vraiment un des quartiers emblématiques des Red Light Districts en Amérique du Nord. Vraiment, pour sa chronologie, il apparaît vraiment au début de l'âge d'or de ces quartiers-là. Il disparaît avec la plupart d'entre eux durant la Première Guerre mondiale. On en reparlera. Et ce qui est intéressant, justement, c'est effectivement le cas de ce photographe, donc Ernest Joseph Belcoq. Qui est-il? C'est un créole. C'est un photographe professionnel, un peu comme William Notman ici à Montréal, à la différence que Belcoq, dans son temps libre, pour des raisons qui ne sont pas toujours évidentes, aime aller prendre des photos dans les milieux sordides, interlopes de la Nouvelle-Orléans, et notamment dans Storyville. Et ce qui est vraiment intéressant, Belcoq meurt en 49. C'est seulement dans les années 70 qu'on découvre, justement, ou en tout cas que ses héritiers laissent, permettent de rendre public ces photos-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous, comme historiens, évidemment, quand on parle de ces milieux-là, c'est très difficile d'avoir accès à la perspective des femmes et des prostituées qui sont dans les bordels et tout ça. Quand on les voit, c'est à travers les archives de police souvent, ou justement des photos justement de police. Et là, voilà ce photographe Belcoq qui entre dans les bordels, qui laisse les femmes décider un peu de comment elles se mettent en scène dans les photographies, et qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos donc, de ces femmes-là, certaines plutôt pornographiques, d'autres très, très, dignes, entre guillemets, ou en tout cas mises en scène de manière très soignée, tout ça. Et toutes ces photos sont sorties dans les années 70 et permettent justement de saisir, en tout cas de manière évidemment indirecte, parfois un peu énigmatique, la vie dans les bordels, mais de voir ces femmes-là autrement que comme des criminels appréhendés par les autorités. Ouais. C'est un bon exemple, l'activité de ce photographe-là, sur... Vous en avez un peu parlé, mais bien sûr, il y a la prostitution dans ces quartiers chauds, dans les quartiers de la prostitution, mais il y a un état d'esprit. Il y a une liberté de mœurs. C'est des milieux très libéraux. Ce photographe qui prend ses photos, ça fait partie de l'histoire de ces quartiers-là aussi, cette espèce d'être les musiciens qui sont là. Oui. C'est des milieux de liberté. Exact. Oui, jusqu'à un certain point, il ne faut pas sous-estimer évidemment le côté l'exploitation des femmes et tout ça qui a lieu dans ces quartiers-là, la violence également qui y est. Mais en même temps, il y a effectivement cette permissivité. Notamment sur le plan socio-économique, si on veut. C'est des gens des milieux très différents qui se rencontrent dans ces quartiers, dans ces bordels, mais aussi spécialement dans le cas américain, et c'est le cas à Storyville, mais ailleurs aussi dans les villes du Sud. C'est un endroit où on peut jusqu'à un certain point enfreindre les frontières raciales de la ségrégation, où il y a rencontre justement entre hommes et femmes, blancs et noirs. Évidemment, il ne faut pas idéaliser tout ça, mais il y a clairement ces mélanges-là, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est dans ces quartiers que se développent et évoluent très rapidement différentes formes de jazz, de blues, l'introduction de la musique hillbilly. Donc, plusieurs des transformations de ces genres musicaux sont dues un peu à ces incubateurs culturels que sont les Red Light Districts, où ces mélanges sont possibles, ces expérimentations, si on veut, musicales, sont rendues possibles. Ouais. Cela dit, cette violence, cette exploitation des femmes dont vous parliez, effectivement, il ne faut pas l'occulter. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi? Qui sont ces femmes qui se retrouvent dans ces quartiers de la prostitution, puis à quoi ressemble leur vie? Oui. D'abord, peut-être parler rapidement des discours justement qui les décrivent, les discours qui viennent des gens qui vont vouloir abattre les Red Light Districts. C'est très intéressant parce que les discours sont très différents selon que ce sont des hommes ou des femmes qui les expriment. Pour les hommes du mouvement réformiste, il y a vraiment une volonté de rétablir les frontières claires qui existaient entre les espaces que pouvaient fréquenter les hommes et les femmes dans la ville. Et il y avait vraiment cette idée que les femmes devaient rester dans la sphère domestique, que les hommes étaient dans l'espace public. On veut restaurer jusqu'à un point cet ordre-là. Mais quand on regarde du côté des femmes du mouvement réformiste, il y a une plus grande sensibilité face aux prostituées. On réalise que plusieurs d'entre elles sont là à cause des mauvaises conditions de travail disponibles ailleurs, les faibles salaires. Donc, on va dénoncer tout ça, évidemment, chercher à les sortir de là autant que possible. Évidemment, lorsqu'on regarde donc dans les faits ce qui se passe, il y a vraiment une variété de cas de figure, il faut le dire. Il n'y a pas un scénario. Donc, il y a évidemment, en termes de statut, il y a des bordels plus chics que d'autres. Il y a certaines femmes qui travaillent dans des conditions bien préférables à d'autres. Au début de la période, on voit beaucoup de prostitution à temps partiel. Lorsqu'il y a de la prostitution de rue encore et que les Red Light Districts ne sont pas tout à fait formés, délimités, il y a beaucoup de femmes qui font ça de manière très, très temporaire. Lorsque, justement, elles ont un revers de fortune ou quelque chose comme ça, c'est une activité dans laquelle on entre et on sort rapidement. Avec la création des Red Light Districts, les bordels, les proxénètes vont avoir une plus grande emprise sur ces femmes-là. Et là, de plus en plus, on va avoir une prostitution qui dure plus longtemps, qui est parfois contrainte, mais en tout cas, qui prend plus la forme d'une carrière plutôt que d'une stratégie de subsistance. Donc, il y aura une variété de figures entre les grands, comme le Everly Club à Chicago, où ce sont des femmes très, très bien payées sont presque des courtisanes là, dans la haute bourgeoisie, et des bordels, évidemment, plus difficiles pour une clientèle plus populaire, où l'on va voir, évidemment, des conditions plus difficiles. Mais cet âge d'or, si je puis dire, des quartiers chauds, des quartiers de la prostitution, ne fera qu'un temps, parce que vous l'avez déjà évoqué, il y a un mouvement qui va se prendre naissance, qui va s'articuler autour du combat. On va les fermer, ces quartiers. Même cet emblématique quartier de Storyville de la Nouvelle-Orléans va, à un moment donné, péricliter et carrément, en guillemets, fermer. On écoute à ce propos, puis ça va nous amener à Chicago, vous allez voir, dont vous venez de parler, parce qu'il y a comme un mouvement continental qui va toucher les quartiers chauds, mais vous allez voir, c'est plus que ça. On écoute Gilles Archambault parler de ce qui se passe à Storyville, les conditions dans lesquelles ce quartier-là périclite et vers où se déplacent les musiciens, les prostituées, le vice, au fond, dont on parlait. Extrait de l'émission Les Capitales du Jazz en 1983. You sang the blues, tried to amuse. Here's how they pay the bills. Yes, hell yeah, that's right. The law stepped in. Cette chanson qui reconstituait la fermeture de Storyville en 1917 provient d'un film médiocre, il faut l'avouer, appelé New Orleans. La chanteuse, c'était Billie Holiday. Que signifie la fermeture de Storyville? Un assainissement des mœurs publiques, sûrement, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Cela veut dire que les musiciens, entre autres, perdent leur emploi. Les plus doués d'entre eux, ou du moins les plus jeunes et plus aventureux, se dirigent vers Chicago. Les jazzmen n'avaient pas attendu remarquer la fermeture de Storyville pour rayonner dans les États avoisinants. Mais la guerre accentue ce phénomène. Elle amène, si vous voulez, une migration. Les usines des villes ont besoin de main-d'œuvre, on quitte le sud et la misère avec l'espoir de trouver du travail plus au nord. Cette nouvelle main-d'œuvre devra aussi s'amuser. Les musiciens, donc, suivent. Pour la plupart, ils iront tout d'abord à Chicago, une ville qui est alors en plein essor. Resteront à la Nouvelle-Orléans ceux qui ne pourront quitter la ville, soit par obligation, soit par crainte, soit par des attaches sentimentales ou même linguistiques. The police car has made a stop, and Storyville is done. Donc, au début du 20e siècle, Harold Bérubé, on l'entend dans cet extrait. À Storyville, d'abord, ça se termine à peu près en 1917, nous disait Gilles Archambault. Mais il y a un mouvement de lutte contre la prostitution qui, vous en avez glissé un mot, qui prend forme un peu partout sur le continent. Et il y a ce déplacement à la fois des activités de musiciens et de prostitution vers Chicago, ce qui fait que Chicago va, dans ce mouvement de lutte contre la prostitution, devenir une espèce d'épicentre. Vraiment, il y aura là une croisade intense par rapport à ces quartiers chauds et à la prostitution. À quoi ça va ressembler, cette bataille contre la prostitution dans la Sin City, comme on l'appelait à l'époque à Chicago? En gros, le réflexe des réformistes, c'est de se dire la stratégie initiale était de confiner la prostitution dans les quartiers puis de la mettre hors de vue. Et là, on réalise que ça ne marche pas. Au contraire, les quartiers deviennent spectaculaires, effervescents et tout ça. Donc, on va décider qu'il faut les détruire. Dans certaines villes, on va essayer de contrôler les choses, d'enregistrer les prostituées et tout ça. Mais globalement, on va essayer au début du 20e siècle, donc d'éradiquer les Red Light Districts. Et effectivement, effectivement, Chicago est le site d'une de ces croisades. Donc, la croisade prend vraiment forme à la fin des années 1900 et ça prend des formes assez spectaculaires. Il faut l'imaginer, ce sont des pasteurs comme Arthur Farwell qui débarquent avec leurs troupeaux, là, des dizaines et des dizaines de membres de la congrégation. Et là, ils débarquent dans certains cabarets et tout ça. Ils vont s'installer littéralement sur la scène centrale. Il y a une citation très drôle d'un tenancier qui va se vanter du fait qu'il aura payé de la limonade à tous. Il a demandé à son band de jazz d'accompagner leur chant religieux et tout le monde était très content. Dans d'autres cas, ce sont littéralement des milliers de gens qui défilent dans les rues de Levy, là, qui est le quartier à Chicago. Et là, on va prier, faire des chants religieux toute la nuit dans l'espoir de décourager les clients, les proxénètes et compagnie. Éventuellement, on se tourne vers les autorités. 1910, on va convaincre le maire de Chicago de faire ce qui commence à se faire dans toutes les villes. On met sur pied une commission du vice qui a pour mandat de faire enquête, qui mélange des médecins, des hommes politiques, des hommes religieux aussi beaucoup. Et on produit un rapport là, qui décrit dans des couleurs apocalyptiques la situation dans le quartier. Le maire de Chicago, à sa défense, va essayer un geste symbolique pour mettre fin à tout ça en fermant le Everly Club dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne suffit pas. Et là, l'année d'après, 1912, il doit vraiment se lancer dans une campagne d'assainissement où on adopte des lois spécifiquement destinées à fermer les bordels puis à se donner justement les outils législatifs nécessaires pour le faire. Donc, ça va aller très rapidement à partir de là. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on ne parvient pas à avoir raison du vice de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? La technologie vient en renfort, en quelque sorte, avec la généralisation de l'automobile, avec le téléphone. La prostitution, dans le fond, se disperse dans l'espace, spécialement à Chicago, où certaines banlieues en particulier deviennent presque des red light districts, mais avec une population beaucoup plus répandue sur le territoire, une moins grande visibilité. Donc, la prostitution ne disparaît pas, elle se disperse, elle redisparaît en quelque sorte suite à cette répression. Et puis, ces opérations de répression, c'est sur les activités de prostitution, mais c'est aussi sur le jeu illégal, l'alcool, en fait, oui. Tout y passe, oui, tout ce qui tourne autour du vice, pour revenir à cette expression qui va être consacrée. Montréal n'échappera pas à ça. On va aussi s'attaquer au quartier de la prostitution, à ses activités de vice. Ça vient un peu plus tard, en revanche. Oui, c'est ce qui est vraiment singulier du cas de Montréal. À l'échelle nord-américaine, Montréal est une anomalie parce que son Red Light District va survivre beaucoup plus longtemps. La plupart des Red Light Districts disparaissent autour de la Première Guerre mondiale à cause de cette répression, mais aussi parce qu'on veut combattre la diffusion des maladies vénériennes chez les soldats, qui nuit à l'effort de guerre. Et durant l'entre-deux-guerres, c'est pas mal fini ailleurs en Amérique du Nord, mais pas à Montréal. Donc, qu'est-ce qui se passe à Montréal? On a les mêmes efforts. Il y a un comité qui est mis sur pied, le comité des 16. Il y a des enquêtes sur la corruption policière et tout ça. Mais l'indifférence de la population est un peu plus grande. Les commerçants qui bénéficient de tout ça font pression pour maintenir le Red Light District. Et en plus, tous ces Américains qui fuient la prohibition fréquentent Montréal et viennent alimenter le district. Donc, il faut vraiment attendre après la Deuxième Guerre mondiale, avec Pax Plante, avec comité de moralité publique. Et là, dans les années 50, on va commencer à démanteler ce Red Light District. Et d'ailleurs, on va en démolir une bonne partie là, pour faire les habitations Jeanne-Mance dans un geste symbolique assez évident. Ce qui est le cas à peu près partout. Il ne reste plus de traces ou à peu près des Red Light dans les grandes villes d'Amérique du Nord. Des traces matérielles, assez peu, parce qu'on va avoir tendance à les raser, on va avoir tendance aussi à les redévelopper autrement. Mais il y a d'autres types de traces qui sont immatérielles. Il y a un cas intéressant à San Francisco où il y a 2 ans, on a fermé un salon de massage en utilisant une loi qui avait été adoptée en 1914, qu'on avait un peu oublié sur les tablettes. Donc, il y a un héritage législatif. Il y a aussi un héritage mémoriel. Donc, ces quartiers-là donc, demeurent un peu dans la mémoire collective. Ils sont, on les utilise pour faire des séries télé, des films. Ça fait partie un peu de la mémoire un peu folklorique des villes, même si ces quartiers sont disparus. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Harold. Bien, merci. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.